vie de saint Augustin, par Possidius, évêque de quelle âme, son disciple, édition Louis Vivès, Paris 1872. Chapitre 30. On consulte Augustin pour savoir si des évêques peuvent s'éloigner de leurs églises à l'approche de l'ennemi. Cependant, je ne dois pas passer sous silence la lettre que lui écrivait Honora, le saint évêque de Sieba, à l'approche des ennemis, pour lui demander si, à leur arrivée, les évêques et les clercs devaient quitter leurs églises ou non. En lui faisant entendre à combien de maux on devait s'attendre de la part des brigands qui avaient ravagé la Romagne. Comme sa réponse peut être utile, et même nécessaire aux prêtres, et aux ministres du Seigneur, j'ai jugé à propos de l'insérer dans cet écrit. Voici en quels termes elle était conçue. Augustin a honoré son très saint frère et collègue. Dans l'épiscopat saluant le Seigneur, en envoyant à votre charité une copie de ma lettre à notre collègue Côte-Vuldance, entre parenthèses, cette lettre n'est pas parvenue jusqu'à nous, je pensais n'avoir pas à répondre au conseil que vous me demandez, sur ce que vous avez à faire au milieu des calamités qui désolent notre époque. Cette lettre, quoique très courte, contenait, à mon avis, tout ce que je devais vous répondre, et tout ce qu'il vous suffisait d'apprendre, car je disais dans cette lettre, qu'on ne doit pas empêcher de se retirer dans des villes fortifiées ceux qui peuvent le faire, mais qu'il ne faut pas non plus rompre les liens de la charité du Christ qui nous attache aux églises dont nous sommes chargés. Telles sont les expressions de ma lettre. Notre ministère étant si nécessaire au peuple de Dieu, en si petit nombre qu'il soit, qui demeure avec nous, qu'il ne peut s'en passer, il ne nous reste plus qu'à nous écrier. Ô mon Dieu, soyez notre protecteur, soyez le lieu de notre refuge. Psaume 33. Mais comme vous me dites que ce conseil ne peut vous suffire, parce que, en le suivant, vous allez contre le précepte et l'exemple du Seigneur, qui nous ordonne de fuir de ville en ville. Entre parenthèses, on se rappelle en effet ces paroles. Lorsqu'on vous persécutera dans une ville, dit Jésus-Christ, fuyez dans une autre. Matthieu 10, 23. Je vous demande qui peut croire que le Seigneur ait voulu que l'on prive un troupeau racheté de son sang, du ministère sans lequel il ne saurait vivre, l'a-t-il fait quand, dans les bras de ses parents, il s'est enfui en Égypte dans son enfance? On ne peut dire qu'il ait abandonné des églises, puisqu'il n'en avait pas encore formé. L'apôtre saint Paul l'a-t-il fait quand, pour échapper à ses ennemis, il se fit descendre dans une corbeille par une fenêtre, pour échapper aux mains de son ennemi? Laissait-il l'église sans ministère? N'y avait-il pas d'autres prêtres, ses frères, pour faire ce qui était nécessaire? C'était d'après leur consentement, et pour se conserver à l'église, que l'apôtre fuyait la persécution qui n'était dirigée que contre lui. Les serviteurs du Christ, ministres de sa parole et de ses sacrements, peuvent donc agir selon ses préceptes et son exemple. Ceux que la persécution menace personnellement peuvent fuir de ville en ville, pourvu que d'autres, que la persécution épargne, restent dans leurs églises pour rompre aux autres serviteurs de Dieu qui demeurent avec eux le pain sans lequel ils ne sauraient vivre. Mais si le danger est égal pour tous, évêques, clercs et laïcs, ceux qui ont besoin des autres ne doivent pas en être abandonnés. Que tous se retirent dans des endroits fortifiés, ou si quelques-uns sont obligés de rester, que ceux qui doivent subvenir à leurs besoins spirituels ne les abandonnent pas, mais vivent, et souffrent avec eux les maux qu'il plaira au père de famille de leur envoyer. S'il y en a qui souffrent plus ou moins que les autres, ou si tous souffrent également, on voit bien ceux qui souffrent pour les autres. Ce sont ceux qui auraient pu, en se sauvant, échapper à ces maux, et qui ont préféré rester, pour subvenir aux besoins de leurs frères. C'est là qu'on reconnaît cette charité recommandée par l'apôtre Saint Jean, quand il dit « De même que le Christ a donné sa vie pour nous, ainsi devons-nous donner la nôtre pour nos frères. » 1 Jean 3, 16. Ceux qui s'enfuient ou qui ne restent qu'à cause de leurs propres intérêts, s'ils viennent à être pris, ne souffrent que pour eux-mêmes, et non pas pour leurs frères. Mais c'est donner sa vie pour ses frères que de souffrir pour n'avoir pas voulu abandonner ceux qui avaient besoin de notre ministère. Aussi ce mot d'un évêque, si le Seigneur nous ordonne de fuir une persécution qui peut nous procurer la gloire du martyr, à combien plus forte raison devons-nous le faire, quand nos souffrances doivent être stériles pour nous, quand il s'agit de fuir les incursions des barbares. Il est vrai et même acceptable. Mais seulement pour ceux qui ne sont point retenus à leur poste par les liens du devoir ecclésiastique, car celui qui ne fuit pas devant la fureur de l'ennemi, quoi qu'il puisse le faire, et préfère rester pour exercer un ministère sans lequel l'homme ne peut ni devenir chrétien, ni vivre en chrétien, reçoit pour sa charité une récompense bien plus grande que celui qui, prenant la fuite plus pour son intérêt propre que pour celui de ses frères, est saisi par l'ennemi, confesse le Christ, et souffre le martyr. Mais que m'avez-vous dit dans votre première lettre? Je ne vois pas, disiez-vous, en quoi nous pouvons être utiles au peuple ou à nous-mêmes en restant dans nos églises, pour voir les hommes massacrés, les femmes violées, les églises incendiées devant nos yeux, et pour expirer nous-mêmes dans les supplices, parce que nous n'aurions pu donner ce que nous n'avions pas. Dieu peut certainement écouter les prières de sa famille, et détourner de nous les maux que nous redoutons. Cependant, pour fuir des maux incertains, on ne doit pas abandonner un devoir qui ne peut être délaissé sans préjudice certain pour les fidèles, non pas dans l'ordre des choses de cette vie, mais par rapport à celle d'une autre qui réclame un zèle, et des soins incomparablement plus grands. Car si les maux que nous craignons ou nous sommes devaient certainement arriver, tous ceux pour qui nous devons rester s'en éloigneraient les premiers, et nous délivreraient de l'obligation d'y rester nous-mêmes, puisqu'il n'y aurait plus personne à qui notre ministère serait nécessaire. C'est ainsi que de saints évêques quittèrent l'Espagne quand leurs ouailles furent tout dispersées, ou massacrées, ou assiégées, ou emmenées en captivité. Mais il y eut beaucoup d'autres évêques qui, voyant le troupeau confié à leurs soins demeurer dans leur ville, restèrent exposés avec eux à une foule de dangers. Si quelques-uns abandonnaient leurs fidèles, c'est précisément ce que nous regardons comme défendu, car cela ne s'appuyait pas sur une autorité divine, mais s'était laissé tromper par l'erreur naturelle à l'homme, ou vaincre par la crainte. Pourquoi pense-t-il pouvoir obéir au précepte de fuir de ville en ville? Et ne craignent-ils pas d'être des mercenaires qui s'enfuient en voyant venir le loup, parce que les brebis ne lui appartiennent pas? Jean 10, 12, 43. Pourquoi ne cherche-t-il pas à concilier ces deux pensées également vraies et divines, dont l'une permet, ordonne même la fuite, L'autre la blâme et la condamne. Pourquoi ne pas chercher à comprendre comment elles peuvent s'accorder puisqu'elles ne sont pas contraires? Et comment les comprendre, sinon dans le sens que j'ai dit plus haut? À savoir que les ministres du Christ, quand la persécution afflige leur province, peuvent s'enfuir s'il ne reste plus de fidèles qui aient besoin du ministère sacré, ou, quand il en reste, s'il y a d'autres prêtres qui n'ont pas les mêmes raisons de fuir, pour répondre à tous les besoins du ministère. C'est ainsi, comme je l'ai dit plus haut, que saint Paul, recherché personnellement par le persécuteur de l'Église, s'échappa en descendant dans une corbeille, tandis que d'autres prêtres, exempts du même danger, restaient, en sorte que cette Église n'était point privée du ministère sacré. C'est également ainsi que s'enfuit saint Athanase, évêque d'Alexandrie, personnellement recherché par l'empereur Constance. Les autres ministres de l'Église n'abandonnèrent pas les fidèles qui étaient restés à Alexandrie. Mais lorsque les chrétiens demeurent, et que les prêtres s'enfuient, et désertent leur ministère, n'est-ce point la fuite condamnable du mercenaire qui ne se met pas en peine de ses brebis? Le loup viendra alors, ce loup ce n'est pas un homme, mais le démon qui portera à l'apostasie la plupart des fidèles qui n'auront plus le pain quotidien du corps du Seigneur, et c'est ainsi que vous perdrez votre frère racheté au prix du sang de Jésus-Christ, non par votre science, mais par votre ignorance. 1 Corinthiens 8, 11. Que dire de ceux qui ne sont pas trompés par l'erreur, mais vaincus par la crainte? Pourquoi, avec le secours du Dieu de miséricorde, ne lutte-t-il pas vaillamment contre cette crainte, pour éviter des maux sans comparaison plus grands et infiniment plus redoutables que ceux qu'il redoute? C'est ce que font ceux en qui brûle l'amour de Dieu, et qui ne connaissent point les convoitises mondaines. Voici en effet le langage de la charité, qui est faible sans que je m'affaiblisse avec lui, qui est scandalisé que moi aussi je ne brûle. 2 Corinthiens 11, 29. Mais la charité vient de Dieu. Prions donc celui qui en fait un précepte de nous la donner, qu'elle nous fasse craindre de laisser frapper l'âme des brebis du Christ par le glaive de l'iniquité, quand nous préservons leur corps du coup d'un glaive matériel, puisqu'après tout elles sont destinées à mourir un jour. Craignons que leur sens intérieur se corrompe, que la pureté de la foi périsse plutôt que de voir les femmes violées, car la violence n'atteint pas la chasteté, tant que le cœur reste chaste. Elle n'est point souillée dans le corps tant que la volonté de la personne violée n'est point consentante de l'abus honteux fait de son corps, et souffre, sans le vouloir, les actes d'un autre. Craignons moins de voir incendier, en notre présence, des édifices de pierre, de bois, et de terre, que de laisser périr les pierres vivantes de l'Église en les abandonnant. Craignons moins de voir les membres de notre corps exposés à la fureur des ennemis que de causer la mort des membres du corps de Jésus-Christ, en les privant de leur nourriture spirituelle. Non qu'il soit défendu d'éviter ces maux s'il est possible de le faire, mais parce qu'il vaut mieux s'y exposer quand on ne peut les éviter sans impiété, à moins que l'on ne voie point d'impiété à priver les fidèles du ministère qui leur est nécessaire, et quand il leur est le plus nécessaire. Ne savons-nous pas quelle affluence de fidèles de tout sexe, de tout âge, se produit à l'Église, quand on en vient à ces dangers extrêmes, et qu'il est impossible de fuir? Les uns demandent le baptême, les autres la pénitence, d'autres la réconciliation avec l'Église, tous des consolations, la célébration des sacrements, et leur distribution. Si les ministres manquent, quel désastre pour ceux qui meurent sans être régénérés par le baptême, ou qui sont retombés dans les liens du péché. Quelle douleur pour les fidèles eux-mêmes, qui seront privés, dans le repos éternel de la société de tous ces infortunés. Enfin, quel gémissement pour tous, et, pour quelques-uns, quels blasphèmes en voyant le manque de ministère et de ministres. Voyez ce que fait la crainte des maux temporels, et combien de maux éternels elle peut causer. Si le ministre est présent, il subvient tout autant que le Seigneur lui en a donné la force. Les uns sont baptisés, les autres sont réconciliés, aucun n'est privé de la communion du corps du Seigneur, tous sont consolés, édifiés, exhortés à prier Dieu, qui peut détourner de tous les maux qu'ils redoutent, préparés à tout événement, et résignés, si le calice ne peut s'éloigner, à l'accomplissement de la volonté de Dieu qui ne peut vouloir le mal. Matthieu 26, 42. Vous pouvez voir maintenant ce que vous m'avez écrit que vous ne voyez pas, le bien qui, dans les calamités présentes, peut résulter de la présence du ministre sacré pour le peuple chrétien, et quel mot peut causer son absence, quand il préfère ses intérêts à ceux de Jésus-Christ. Car il n'a point alors cette charité dont l'apôtre a dit. Elle ne cherche pas ses propres intérêts. 1 Corinthiens 13, 5. Et il n'imite pas celui qui a dit « Je cherche moins mon avantage que ce qui peut sauver les autres. » Idem 10, 33. Cet apôtre n'aurait pas évité les embûches du prince qui le persécutait, s'il n'avait voulu se conserver à ceux qui avaient besoin de lui. C'est pour cela qu'il dit « Je me trouve pressé des deux côtés, car d'une part, je désire être dégagé des liens du corps pour être avec Jésus-Christ, ce qui est sans comparaison le meilleur, et de l'autre, il est plus utile pour votre bien que je demeure encore en cette vie. » Philippiens 1, 23. Chapitre 31. Mort et sépulture d'Augustin, psaume pénitentiaux. Le sacrifice offert à ses obsèques, sa bibliothèque, ses monastères, épitaphe d'un poète. Le saint homme vécut 76 ans, dont 40 dans la cléricature comme simple prêtre ou comme évêque. Une aussi longue vie lui fut accordée de Dieu pour les besoins et le bonheur de l'Église catholique. Il nous disait souvent dans ses entretiens familiers que même après avoir reçu le baptême, des chrétiens ou des prêtres, quelques saints qu'ils eussent été, ne devaient jamais sortir de la vie sans un regret convenable et digne de leur faute. C'est ce qu'il fit lui-même dans la maladie qui amena sa mort. Il avait fait faire des copies des psaumes pénitentiaux de David qui sont en petit nombre, et, de son lit, pendant sa maladie, il jetait les yeux sur ces copies placées contre la muraille, il les lisait en versant des larmes abondantes et continuelles, et pour éviter les distractions, il nous pria, 10 jours environ avant sa mort, de ne laisser entrer personne dans sa chambre, si ce n'est à l'heure de la visite des médecins ou quand on lui apportait à manger. C'est ce qu'on fit, comme il l'avait prescrit. Tout son temps se passait en prière. Jusqu'à sa dernière maladie, Il ne cessa jamais de prêcher la parole de Dieu dans l'Église avec une ardeur, et un courage sans bornes, un esprit, et un jugement aussi sain que droit. Il avait conservé dans l'heureuse vieillesse où il était arrivé l'usage de tous ses membres, une ouïe délicate, une vue parfaite et, selon l'expression de l'Écriture, il s'endormit avec ses pères, sous nos yeux, car nous étions réunis autour de lui, et confondions nos prières avec les siennes. Il ne fit pas de testament, car il était si pauvre qu'il n'avait rien à léguer. Il avait toujours ordonné de conserver avec soin sa bibliothèque pour l'Église, et ses manuscrits pour ceux qui viendront après nous. Ce qu'il avait en argent ou en ornement appartenant à l'Église, il le confia à un prêtre fidèle qui, sous son épiscopat, avait été chargé, sous lui, du soin de l'Église. Pendant sa vie ou à sa mort, il ne traita pas comme tout le monde ses parents, tant ceux qui étaient près de lui que ceux qui étaient éloignés. De son vivant, il leur accorda ce dont il avait besoin, comme il le faisait pour d'autres, de manière non pas à les rendre riches, mais à subvenir à tous leurs besoins pressants, ou à soulager leur pauvreté. Il laissa à l'Église un clergé suffisant, des monastères d'hommes, et de femmes vouées à la continence avec des supérieurs pour les diriger, des bibliothèques remplies de ses ouvrages, et de ses traités, et de ceux d'autres saints docteurs, parmi lesquels tout le monde sait quel trésor Dieu avait fait à l'Église en le lui donnant. Les fidèles le retrouvent tout entier dans ses nombreux ouvrages. Selon ce mot d'un poète qui avait recommandé à ses amis de lui élever un tombeau sur une place publique, et tracé son épitaphe en ces termes. Passant, tu veux savoir si un poète vit quoique mort? Quand tu lis, c'est moi qui parle, tes paroles ce sont mes paroles. En effet, ces écrits font voir aussi manifestement qu'il se peut, quand c'est la vérité elle-même qui éclaire, que le prêtre agréable, est particulièrement cher au Seigneur, est toujours resté dans les voies de la droiture, et de la justice, et ne cessa de vivre dans la foi, l'espérance, et la charité de l'Église catholique. Ce que reconnaissent ceux qui profitent de la lecture de ces ouvrages sur les choses divines. Je crois toutefois que l'on profitait plus encore de ces enseignements quand on l'entendait, et qu'on le voyait prêcher dans une église, et surtout lorsque l'on avait pu jouir de ses conversations avec les hommes. Car il n'était pas seulement un docteur connaissant les mystères du royaume des cieux, et tirant de son trésor de science des paroles nouvelles et anciennes, ni un négociant qui, ayant trouvé une perle d'un grand prix, va vendre tout ce qu'il a pour l'acheter. Matthieu 13, 42, 45, 46, mais il était aussi un de ceux à qui il est écrit « Parlez ainsi, et agissez ainsi » Jacques 2, 12, et dont le Sauveur a dit « Celui qui agira, et enseignera ainsi aux hommes sera grand dans le royaume des cieux » Matthieu 5, 19. Je réclame vivement de la charité de ceux qui liront cet écrit, de s'unir à mes actions de grâce, et à mes bénédictions envers le Seigneur qui m'a donné l'intelligence de vouloir faire connaître cette vie au présent, et aux absents, à nos contemporains, et à nos descendants, et qui m'a donné de pouvoir le faire. Priez pour moi, et avec moi afin que je puisse en cette vie m'efforcer d'imiter un homme avec qui Dieu m'a donné le bonheur de vivre pendant 40 ans dans son amitié, sans qu'aucun nuage se soit élevé entre nous, et que je jouisse avec lui, dans l'autre, des promesses du Dieu Tout-Puissant. Amen. Marc Emdan, archive.org, licence Creative Commons, pas d'utilisation commerciale, partage à l'identique.